joindre la force pour moi jouer musique. Pour paix pas moi, c'est yo qui a tendresse et yon pile plaisir. Pour paix avancer, même si ni des fois nous pas fait attention, yo pas donné. C'est yo qui a fait monter et yon pile descend. Pas oublier ça. Ça aime tout ça au café qui ou sont coupés de con qui ou c'est yon banquier c'est même vite dans la vie faut rouler sans tête à péter pour périver c'est yon café monter et yon pile descendre pas oublier ça. Pardonner, c'est au café monté et y'a un pile descendre, pas oublier ça.